Juste, malgré lui, un médecin peu ordinaire dans la tourmente de l'occupation, par Jean Darrigue. Chapitre 1er. Louis, on sonne à la porte, va ouvrir, moi je suis occupé. Voilà, j'y vais, répondit Louis à son épouse Odette. Leur relation amoureuse s'était arrêtée depuis longtemps, mais elles avaient laissé place à une immense tendresse et une affection sans bornes. Louis pouvait dire qu'Odette était réellement sa moitié, et que sans elle, il n'aurait donc existé qu'à demi. Il déverrouilla la porte palière et laissa entrer Léopold. « C'est le major, avec Hans. »« Sers-leur à boire, Louis, j'arrive. » Louis était né en 1902 dans l'Alsace occupée. Son père, médecin, le destinait à la carrière médicale et dès l'armistice de 1918, il eut l'excellente idée de l'envoyer à Paris faire sa médecine, hébergé chez un ancien cousin. L'Alsace était libérée, certes, mais l'ombre de l'Allemagne planait toujours sur eux, et son père préférait que son fils la vit du plus loin possible, même s'il considérait que leurs voisins allemands, surtout ceux qu'il connaissait, n'étaient ni des ennemis ni des étrangers. N'ayant pas d'enfant, le cousin de son père voua à Louis une affection filiale qui lui rendit bien. À sa mort, le bonhomme lui légua cet immeuble parisien du 5e arrondissement. Il s'y installa et ouvrit également son cabinet. En juin 40, Louis refusa de fuir Paris en cédant à la panique générale, comme si l'apocalypse menaçait de s'abattre sur la ville. Le seul endroit où il aurait su trouver refuge était l'Alsace, et il n'était pas question d'aller se fourrer dans la gueule du loup. Cet attentisme venait peut-être de ce que, parlant parfaitement allemand, il savait pouvoir s'expliquer avec l'occupant. Certes, ce dernier le priverait de liberté, mais il pressentait que ni Odette ni lui ne risqueraient la mort. De toute façon, l'état misérable des premiers réfugiés venant de l'Est lui coupa toute envie de finir de même. Léopold Müller, lui, était né la même année que Louis, mais du côté allemand de l'ancienne frontière. À cette époque, ils habitaient le même pays et leurs deux villages n'étaient distants que d'un petit kilomètre. Léo fut un merveilleux copain d'enfance avec lequel Louis était allé à l'école dès 6 ans. Ils apprenaient avec application leurs leçons en allemand, bien qu'à la maison, leurs parents s'évertuassent à leur parler français. Ils étaient donc parfaitement bilingues, voire trilingues, en y ajoutant l'anglais qu'ils apprirent durant leurs études. Léo, au désespoir de son père, médecin lui aussi, se destinait à la carrière militaire, non par soif de bataille, mais pour le prestige que conférait l'uniforme. Son rêve était de devenir pilote de chasse, comme beaucoup de garçons de leur époque. Il sortit de l'école militaire comme sous-lieutenant, mais pour quelques dixièmes de vue, il ne put réaliser ses rêves d'azur. Il fut versé dans le train où son efficacité et ses diplômes lui firent rapidement prendre du galon. Les deux amis correspondaient très régulièrement, se faisant mutuellement part de leurs inquiétudes quant à l'éventualité d'une guerre. Léopold était fier que l'Allemagne se soit relevée de sa défaite, mais, très vite, il désapprouva totalement les méthodes nazies. Il exécrait ces chefaillons qui, quelques mois plus tôt, n'étaient que des traînes savates, voire des malfaiteurs assaillant leur autorité sur la peur, la contrainte et le chantage. Les assimiler à des gradés de l'armée de tradition était pour lui une déchéance et une trahison. Son père refusa tout net d'adhérer au parti et dut finalement capituler pour sauver l'honneur de son épouse. Léopold respectait la parole donnée et légitimait l'autorité, simplement parce que c'était l'autorité. Mais très vite, apprenant ce qui se passait dans les camps de prisonniers juifs, il se cantonna dans sa tâche technique d'officier du train, en écartant adroitement tout ce qui pouvait avoir un lien direct avec l'arrestation et la déportation de Juifs. En 1942, le haut commandement allemand l'affecta à Paris dans un service qui régulait le transport des approvisionnements avec l'Allemagne. Heureux d'avoir échappé au front de l'Est, il vint voir Louis dès son arrivée. La quarantaine les avait vieillis en très peu de temps. Léopold avait maigri. Ses traits s'étaient creusés. Malgré cela, il était l'archétype de l'homme du Nord. Le cheveu long roux plutôt rare, des yeux d'ambre, une fine moustache toujours parfaitement taillée, une silhouette cambrée, les talons joints au moindre propos avec un hochement de tête, tout cela faisait de lui un parfait exemple de l'officier allemand de bonne éducation. Quant à Louis, les privations lui avaient déjà donné un corps filiforme et l'angoisse du lendemain avait terni son regard. Il avait toujours eu un teint très pâle, contrastant avec le noir de jet de ses cheveux fournis. Ses traits fins et réguliers, sa taille élancée, son regard bleu foncé, lui avait toujours donné, d'après Odette, une allure noble et élégante. Depuis qu'il fréquentait de moins en moins souvent le coiffeur, il se peignait avec les cheveux en arrière, à la Rudolph Valentino, ce qui accentuait encore son caractère de Latin lover. Beaucoup de gradés étaient logés chez l'habitant. Aux grandes dames d'Odette et des gens du quartier, Louis avait proposé à Léopold d'occuper l'appartement voisin, libéré par ses locataires dès l'entrée des Allemands dans Paris. Il conseilla à Léopold de taire leur amitié auprès des autorités allemandes et des voisins. Dès leur premier contact, Léopold les mit au courant des projets allemands d'épuration ethnique. Louis se risqua à mettre discrètement en garde ses patients juifs, ceux en qui il pouvait avoir confiance. Mais certains ne voulaient pas le croire, le prenant pour un fou et un alarmiste. Tous ceux qui avaient négligé ses conseils l'avaient payé cher, il y avait quelques semaines, lors de la rafle du Veldiv. Ils avaient été attrapés comme des poissons hors de l'eau. Quant à ceux qui avaient pu en échapper, ils vouaient à Louis une reconnaissance éternelle. Hans, lui, n'était parmi eux que depuis quelques jours comme ordonnance de Léopold. En août 1942, le Gauleiter Robert Wagner avait institué pour les jeunes Alsaciens lorrains le service militaire obligatoire dans l'armée allemande. Hans était un de ces jeunes qu'on appellerait par la suite les malgré eux. Inutile de préciser qu'il partageait entièrement la haine du nazisme et remerciait chaque soir le Seigneur d'être tombé avec Léopold et Louis. Léopold était ce matin-là tout réjoui. « Louis, on m'a donné des pommes de terre qui proviennent de la zone verte. J'ai accepté, bien sûr. Hans te portera le sac. » Dis plutôt qu'elles viennent de la zone interdite. Ces patates viennent de France et servent à nourrir l'armée allemande. Alors tu sais, dans le fond, tu ne fais que rendre à César ce qui appartient à César. C'est pratique d'occuper un pays et de lui tondre la laine sur le dos. Mais quand il n'y aura plus rien à bouffer, ni en Allemagne ni en France, il faudra bien que les hommes et les femmes retournent aux champs au lieu de fabriquer des canons. Le plan d'Adolphe est clair. Nous, les Français, nous faisons tourner les usines d'armement des Schleux. Nous cultivons leurs champs. Il ne nous reste rien pour becter, personne ici pour fabriquer quoi que ce soit. La France est devenue un réservoir d'esclaves et ces connards de Vichy nous font croire que c'est ça qui va nous sauver. Louis savait que Léopold n'y était pour rien, mais il fallait bien se défouler un peu et lâcher sa rancœur de l'occupant. D'ailleurs, Léo abonda dans son sens. Tu sais que les policiers français sont toujours sur les dents. Normalement, les 16 et 17 juillet, il était prévu de n'arrêter que les Juifs étrangers. Ces fumiers de flics ont voulu montrer à la Gestapo qu'ils étaient les plus forts. Et ils ont arrêté tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des Juifs. Malgré ça, j'ai su qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif de 20 000 têtes au moins. Les derniers convois ne leur ont pas suffi, tu parles. Ils en sont presque à inventer des Juifs, tu te rends compte? Fais gaffe, Louis. Si jamais tu te fais arrêter, fais-moi prévenir aussitôt. Mais pourquoi veux-tu qu'on m'arrête? Ne fais pas le fier, abruti. Tu sais bien que plus d'un s'est fait choper à la sauvette. Il ne regarde même pas tes papiers, il t'amène à l'écart, te baisse le froc et te reluque la biroute. Et hop, dans le panier. Mais moi, ma biroute, elle est entière, tu le sais bien. N'empêche, comme je te connais, ne la ramène pas, écrase et attends qu'on te relâche. Odette ne dit rien. Mais ce genre de conversation avait le don de l'affoler au plus haut point, ce qu'elle ne montra pas, bien sûr. Je vais aller tout à l'heure chez Zilber, tu sais, ce confrère juif qui habite la rue derrière. Je vais lui porter de quoi bouffer, et voir un peu où est son moral, si seulement j'arrivais à le faire passer en zone libre. Un homme seul a des chances de passer, mais un couple avec un enfant, c'est plus problématique. Enfin, ils peuvent toujours essayer. De toute façon, où veux-tu qu'il aille, en plus avec son gosse? Il ne répond plus au téléphone ni à la sonnette. Il essaie de faire croire à tout l'immeuble qu'il est parti avec sa femme, mais je me demande si les voisins ne se doutent pas de quelque chose. Et comment tu fais alors pour lui porter à becter? Son appartement possède une entrée des fournisseurs qui donne dans l'immeuble d'à côté. Alors il peut sortir prendre l'air quand bon lui semble? Et non, car dans l'immeuble voisin, il a aussi des clients qui pourraient le reconnaître. Hans, porte les pommes de terre à Louis, qu'il puisse approvisionner son ami Zilber. Bonne idée. Bon, j'y vais tout de suite. Vous m'attendez pour le déjeuner, hein? Va faire ta béa, nous gardons ta femme en otage. C'était un des grands plaisirs de Léopold que de contrefaire l'accent guttural allemand alors qu'il s'exprimait habituellement dans un français parfait. Ah, fit Odette, c'est qu'il l'aime, son Zilber. Louis avait connu Simon Zilber pendant ses stages à l'hôpital. C'était un homme doux et discret. Dans ses yeux bleus passait toute la profonde compréhension, l'immense miséricorde qu'on imagine être l'apanage des saints. Louis avait fait ses études avec Olga. Médecin elle aussi, elle avait présenté à Simon. Les deux êtres avaient tout de suite senti qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, deux êtres d'exception complètement inadaptés au monde actuel. Ils se marièrent très rapidement. Simon avait omis de coudre l'étoile jaune et pour éviter les rafles, la famille s'était barricadée dans l'appartement. Louis se sentait un peu responsable d'eux, car c'est sur ses conseils qu'ils avaient agi ainsi. S'ils les avaient laissés faire, ils auraient eux-mêmes signalé leur existence à la Gestapo, comme si leur vie ne comptait pour rien. Tous les deux se ressemblaient, même façon de parler, de bouger, de marcher, même attitude humble, qui donnait l'impression qu'ils s'excusaient à chaque respiration de vous prendre un peu d'oxygène. Olga était d'origine russe et de confession catholique. La religion n'avait pas été un obstacle à leur amour, mais ils avaient dû se fâcher avec leur famille pour pouvoir convoler. Intelligents tous deux, leur connaissance du livre les persuadait que Dieu ou Yahvé n'était qu'une seule et même entité et que peu importait la manière dont on le priait. Pour Simon, le message d'amour de Jésus, même s'il n'est pas un prophète aux yeux des Juifs, n'était que le complément et le prolongement logique des 10 commandements. Eu égard à leur position philosophique et religieuse, Olga avait obtenu de Simon que leur fils David ne fût pas circoncis à sa naissance. Elle avait dit « Il choisira lui-même quand il sera grand, c'est mieux comme ça ». Simon, comme à son habitude, l'avait approuvé. Il y a des êtres qui font partie de la race loup, d'autres de la race agneau. C'est à ces dernières que les îles leur appartenaient, pour leur malheur.